Souvenez-vous de Jules Verne, m'a demandé M. X, à peine étions-nous installés. De la Terre à la Lune en particulier. Bien sûr que je me souvenais de ce roman, une de mes premières lectures d'enfant. Pouvait-on oublier les membres du Gun Club de Baltimore, ce club d'experts en balistique qui ne rêvait que de construire des canons de plus en plus monstrueux, des anges exterminateurs qui, selon Jules Verne, étaient par ailleurs les meilleurs fils du monde. Ce sont ces artilleurs qui vont concevoir un formidable canon chargé d'une masse énorme de fulmicoton capable de vaincre la gravité terrestre et d'envoyer vers la Lune un projectile habité. Un rêve fou, bien évidemment. Les futurs explorateurs de notre satellite ne s'engouffreront pas dans la gueule béante d'un canon, mais dans une capsule au sommet d'une fusée. Il n'empêche, m'a dit Monsieur X, que ce sont peut-être ces chimères qui ont inspiré, au XXe siècle, un vrai spécialiste en balistique. Un homme qui voulait construire des canons toujours plus longs, toujours plus puissants, et qui a fini par en mourir. Nous allons revenir longuement sur le destin de cet étrange savant. Mais sachez auparavant que cette affaire très récente a été le prélude d'une des crises internationales majeures de ces dernières années, la crise du Golfe, c'est-à-dire l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein et sa conséquence immédiate, l'opération Tempête du désert. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En 1989, au mois d'août exactement, il s'est passé un événement très mystérieux en Irak. Quoi ? Une explosion. Une explosion d'une extrême violence. Si violente même qu'elle a été entendue à Bagdad alors qu'elle s'est produite à plus de 40 kilomètres de la capitale irakienne. Oui, mais une explosion de quelle nature ? C'était justement la grande question. À l'époque, vous le savez sans doute, on soupçonnait Saddam Hussein de vouloir doter son pays de l'arme nucléaire. Ouais, il a d'ailleurs failli y arriver. Hein. Tout à fait ouais, juste. Si l'opération Tempête du désert n'avait pas eu lieu, il est certain que l'Irak serait d'ores et déjà en possession de l'arme atomique. D'ailleurs, si vous le voulez bien, je vous en parlerai un de ces jours. C'est noté, oui. Ouais. Enfin, il s'en est fallu de quelques mois, peut-être même de quelques semaines. Et à votre avis, c'est une des raisons profondes qui ont amené les Alliés à intervenir en Irak ? Une des raisons, oui. Mais l'autre, la raison majeure, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est le pétrole. En envahissant le Koweït en août 1990, Saddam mettait en cause le contrôle exercé par l'Occident sur les ressources pétrolières du Moyen-Orient. Ouais. Et ça, c'était pas acceptable. Surtout pour les États-Unis, ouais, évidemment. Saddam avait franchi la ligne rouge, c'est ça? Naturellement. Le reste, c'est-à-dire l'invasion du Koweït, les atteintes aux droits de l'homme, ça ne pesait pas lourd à côté du pétrole. J'ajoute que pendant des années, les Occidentaux s'étaient parfaitement accommodés du régime dictatorial de Saddam Hussein. Pourquoi? Bah, tout simplement à cause de l'Iran, bien sûr. Oui, parce que l'Irak contribuait à contenir les forces révolutionnaires iraniennes. Oui, il semblait alors qu'il était le meilleur rempart contre l'islamisme. Et on a fermé pudiquement les yeux sur l'utilisation massive par l'Irak des armes chimiques lors de la guerre du Golfe. L'Occident n'a même pas bronché lorsque Saddam Hussein s'est servi de ces mêmes armes contre les populations civiles du Kurdistan. Et que voulez-vous, à l'époque c'était un allié. Oui, mais tout a changé donc avec l'invasion du Koweït. Et l'appropriation par Saddam des immenses champs pétroliers du pays. D'accord, alors, revenons à cette mystérieuse explosion. C'est quoi? C'est une explosion atomique? Sur le moment, on n'en sait rien. Et vous imaginez bien que tout le monde essaie de savoir. Et tout le monde. Les services secrets, vous voulez dire? En priorité. C'est évident, ouais. Oui. Et pour savoir exactement ce qu'il s'est passé, il faut les voir sur place. C'est pas facile dans un pays où la police et les forces de sécurité sont omniprésentes. Ouais, vous avez raison. Alors, un journaliste britannique fait le voyage. Attendez, un vrai journaliste ou un homme qui travaille aussi pour les services secrets? Ah, allez savoir. Je suis sûr que vous avez une idée, quand même. Bah, écoutez, j'ai pas de certitude, mais il n'est pas impossible qu'avant de partir, cet homme ait été briefé discrètement par des hommes des services secrets. À charge pour lui, à son retour, de faire part de ses découvertes à ses informateurs. Ouais, un échange d'informations, en somme. Oui, c'est à peu près ça, je pense. Et les services anglais, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, étaient très concernés par les affaires irakiennes. Donc cet homme, journaliste indépendant, travaillant pour l'Observer, se rend en Irak. Son nom ? Farzad Bazoft. Et quelle origine ? Iranien. Mais Bazoft possède la nationalité britannique. Ouais. Et il y a une raison particulière pour que ce soit lui qui soit envoyé en Irak ? Oui. Bazoft enquête depuis quelque temps sur une curieuse société de Bruxelles, la Space Research Corporation. Mais n'allons pas trop vite. Vous en parlerez longuement plus tard. Oui, encore des mystères. Allons, un petit peu de patience, je vous en prie. Donc Bazoft arrive en Irak et il n'a rien de plus pressé que de se rendre sur les lieux où s'est produit l'explosion. Ouais, ça, c'est logique, journaliste. Hein. Ouais, et avec l'aide d'une infirmière de sa connaissance qui est là-bas, persona grata, il y parvient. Bon, pas facile d'enquêter sur place, personne ne parle. Mm-hmm. Alors Bazoft décide de prélever quelques échantillons de terre. Et dans quel but ? Les faire analyser à son retour en Angleterre et découvrir ainsi s'il s'est agi ou non d'une explosion nucléaire. Mais ce faisant, il commet une grande imprudence. Oui. Et pourquoi Parce que son initiative ne passe pas inaperçue. Et ce qui doit arriver finit par arriver. De retour à Bagdad, Bazoft et son ami infirmière sont arrêtés. Ouais, pour espionnage, j'imagine. Oui, et dans les mains des forces irakiennes de sécurité, Farzad Bazoft ne tarde pas à avouer. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit le torturer. Hein, Naturellement. Ça, ouais. Il confesse en particulier avoir espionné pour Israël. Ce qui est faux, non ? Mais sous la torture, on peut avouer n'importe quoi, même le plus improbable. La conclusion, c'est qu'après lui avoir extorqué ses aveux, on le juge prestement et on le condamne à mort. Une condamnation d'un journaliste, ça a dû susciter de nombreuses protestations internationales. Oui, le gouvernement britannique a réagi. Le roi Hussein de Jordanie a même essayé de s'entremettre afin de sauver la vie de Bazoft. Mm-hmm. En vain. Les Irakiens, de toute évidence, voulaient faire un exemple. Oui, un exemple, mais leur objectif... D'abord, je pense qu'ils désiraient décourager toute nouvelle tentative pour percer leur petit et grand secret. Ensuite, il y avait ce qu'avait découvert Bazoft. Et qui ne devait en aucun cas révéler à qui que ce soit. Parce que vous pensez que ce journaliste britannique était vraiment en possession d'informations sensibles ? Je le pense, oui. Je ne vais pas vous faire languir au cours de son enquête. Farzad Bazoft avait réussi à accumuler des informations crédibles et précises sur l'un des plus grands secrets du dictateur irakien, le projet Babylone. Dans Babylone, de quoi s'agit-il ? De la construction de ce fameux supercanon dont vous avez sans doute entendu parler. Moi, je me souviens, oui, mais c'était pas un peu fumeux cette histoire de supercanon ? Pas du tout. Et je vais vous le prouver. Il y a enfin une troisième raison qui explique l'intransigeance de Saddam Hussein. Ah, ça, je vous écoute. Hein. Saddam, en refusant de gracier Bazoft, a voulu envoyer un avertissement très fort aux Anglais. Oui, c'est ça. Cessez de m'espionner. Non. C'était plutôt continuer à m'aider. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Les Britanniques, je vous l'ai laissé entendre, étaient très impliqués dans les affaires irakiennes. Oui, mais de quelle façon impliqués ? Mais ils étaient partie prenante dans la construction du supercanon. Le projet Babylone, là. Oui, ouais. Secrètement, bien sûr, puisque depuis la guerre du Golfe... Entre l'Irak et l'Iran. C'est ça. Ouais, donc, depuis la guerre, la communauté internationale avait décrété un embargo sur les livraisons d'armes à destination des deux belligérants. Donc, ça signifie donc que cette implication britannique était illégale. Oui, et elle devenait de plus en plus embarrassante pour le gouvernement de Mme Thatcher. Oui, à cause des fuites possibles. Bien sûr. Ouais. Par conséquent, les Anglais traînaient un petit peu les pieds. Et en condamnant à mort Bazoft, Saddam Hussein menaçait directement le gouvernement britannique. Ouais, je comprends un peu mieux, mais... Alors Bazoft, il a été exécuté ? Oui, et les Irakiens ont poussé le cynisme jusqu'à exposer sa dépouille en face de l'ambassade britannique à Bagdad. Un ministre de Saddam a même cruellement ironisé. Madame Thatcher voulait Bazoft vivant, eh bien nous lui donnons son cadavre. Ouais, c'est délicat, ça. Et l'exécution a eu lieu quand ? Farzad Bazoft a été pendu en mars 1990. Ouais. Mais est-ce qu'à Londres, on a pris au sérieux cet avertissement, puisque vous dites que c'était un avertissement de Saddam Hussein ? Tout à fait, mais il n'y a pas eu les effets attendus par Saddam. C'est-à-dire ? Devant ce qui ressemblait à un chantage, la dame de fer n'a pas réagi comme le dirigeant irakien pouvait l'espérer. Apparemment, en tout cas. Ouais, expliquez-moi ça. Eh bien, loin d'obtempérer, les Britanniques, au contraire, ont pris aussitôt des mesures de rétorsion. Mais quoi, alors ? 10 jours après l'exécution de Bazoft, les douaniers britanniques ont opéré une saisie importante à l'aéroport de Heathrow. Ils ont mis la main sur une quarantaine d'éclateurs. Des éclateurs, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, pour simplifier, disons qu'il s'agit de détonateurs qui pouvaient éventuellement être utilisés dans la fabrication de bombes atomiques. Oui, des détonateurs destinés à l'Irak, c'est exactement, ça, hein ? C'était un premier coup de semonce. La suite allait être encore plus spectaculaire. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. 1990. Deux mois après l'exécution du journaliste britannique Bazoft, le Monde diplomatique consacre un article de fond aux capacités militaires des pays du Proche et du Moyen-Orient et à la course aux armements. Cela alors que l'Irak vient de déclarer qu'il utiliserait les armes chimiques en cas d'agression étrangère. Je cite Alain Grech, l'auteur de cet article qui évoque d'abord la prolifération des missiles capables de transporter des charges explosives, des gaz, voire des têtes nucléaires. Le 5 décembre 1989, l'Irak annonce le lancement d'une fusée balistique à 3 étages, ainsi que la mise au point d'un missile sol-sol Tammuz 1 d'une portée de 2000 km. Quelques semaines plus tard, Israël met en orbite un satellite espion Ofek 2. L'histoire de la course aux fusées dans la région remonte aux années 50 quand la société française Avions Marcel Dassault collaborait avec Israël. En 1961 est expérimentée la Jéricho 1 d'une portée de 450 km. Après la guerre de 73, les Soviétiques commercialisent dans la région le Scud B d'un rayon d'action de 250 km, devenu tellement courant aujourd'hui qu'on peut se le procurer sur les marchés de seconde main. C'est la guerre du Golfe, dans les années 80, qui accélère la compétition. Tandis que l'Irak et l'Iran, durant la guerre des villes, se bombardent grâce à des SCUP dopés, toutes les puissances de la région cherchent à se doter de ces nouveaux engins. L'Égypte, en collaboration avec l'Argentine et l'Irak, tente de mettre au point la fusée Badr Condor, d'une portée de 800 km. La Jéricho 2 israélienne atteindra bientôt une portée de 1500 km. L'Arabie Saoudite se dote au début de 1988, grâce à l'aide de la Chine, de fusées DF-3 capables de toucher des cibles à plus de 3000 km. Israël peut être frappé en quelques minutes par des fusées ennemies et tous les pays du Proche-Orient sont désormais à portée des missiles israéliens. L'insécurité s'installe, accroissant les possibilités d'une première frappe préventive qui risquerait d'embraser une nouvelle fois la région et de menacer l'Europe si proche. Voilà donc quelle est la situation au moment où, selon M. X, le gouvernement de Mme Thatcher décide apparemment de ne pas céder au chantage de Saddam Hussein. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit précédemment. Pourquoi avoir dit Mme Thatcher réagit apparemment? Parce que s'il y a eu effectivement une réaction anglaise, je ne suis pas sûr qu'elle soit le fait du gouvernement. Alors, ce qui signifie que quelqu'un d'autre... Bien évidemment. Ouais. Pourquoi les douaniers ont-ils saisi les détonateurs? Parce qu'on les a informés. Mais alors qui? Il y a deux explications possibles. Je vous écoute, allez-y. Le coup ne peut venir que d'un service secret. Anglais? Ou étranger. Saddam Hussein avait suffisamment d'ennemis dans le monde. Ouais. Et votre avis alors? Je pense que ce sont des agents du MI6 anglais qui se trouvent derrière cette affaire. Des agents qui ont ainsi vengé la pendaison du journaliste Bazoft. Est-ce qu'il laisserait entendre que le journaliste était peut-être un agent des services britanniques, hein? Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Ouais, soit. Restons-en là. Il y a un instant, vous m'annonciez une autre mesure de rétorsion. Une précision quand même. Je vous ai parlé de membres du MI6. Oui. Ce qui ne veut pas dire que la direction du service secret est impliquée. Des francs-tireurs en somme. Quoi. C'est... Je le pense, oui. Le deuxième coup de semonce s'est tiré par ces mêmes Britanniques à peine quelques jours après la saisie des détonateurs à Heathrow. Mm-hmm. Alors cette fois-ci, de quoi s'agit-il? Dans la première quinzaine du mois d'avril, mm-hmm. des douaniers, encore eux, s'intéressent à un cargo battant pavillon des Bahamas, le Gur Mariner. Il est à quai dans un port du nord-ouest de l'Angleterre quand les gabelous débarquent. Inopinément? Non, bien entendu. Il dispose encore une fois d'un solide tuyau. Et un tuyau qui vient toujours des services secrets? C'est certain. Mm-hmm. Alors, que découvrent les douaniers à bord de ce cargo? D'énormes cylindres de bois. Cylindres de bois, jusqu'à là, c'est pas extraordinaire. Hein? Non, mais attendez la suite. Car à l'intérieur de ces cylindres, il y a d'autres cylindres en acier. Oui, des tubes, quoi. Des tubes, oui, livrés par les forges de Sheffield, qui est destinée à l'Irak. Et tout de suite, les douaniers britanniques, après avoir effectué la saisie de la cargaison, déclarent que ces tubes apparemment inoffensifs sont en fait des éléments qui, une fois assemblés, formeront un gigantesque canon. Ouais, le super canon de Saddam Hussein, dont on va t'en parler. Voilà, une arme prodigieuse de plusieurs dizaines de mètres de long, capable de tirer des projectiles de plus d'un mètre de diamètre à des centaines de kilomètres. Ouais, c'est-à-dire qu'avec cette arme, Israël pourrait être frappé par les Irakiens. Israël, ouais. Mais aussi Téhéran, ne l'oublions ouais. pas. Mais revenons sur cette découverte. Hein. Je me souviens très bien des commentaires de l'époque. On a dit que cette histoire de super canon était complètement farfelue. C'est exact. Enfin, je veux dire, c'est ce que certains ont prétendu à l'époque. Il y avait ceux qui clamaient qu'un tel canon n'était pas concevable, en particulier à cause de son poids, et d'autres qui disaient que les tubes saisis sur le cargo n'étaient pas des éléments d'un super canon, mais simplement des conduits destinés à l'industrie pétrolière. Mais tous ces gens-là poursuivaient en fait le même but. Ouais, c'est-à-dire nier l'existence du projet de construction d'un super canon. Bien sûr. Et dans ce camp, nous retrouvons pêle-mêle les gouvernements britanniques et irakiens, et aussi, bien entendu, les forges de Sheffield. Ouais, les forges, c'est-à-dire le constructeur des tubes. C'est ça. En tout cas, le démenti plutôt embarrassé des autorités britanniques me laisse penser que l'initiative de ces mesures de rétorsion à l'encontre de l'Irak n'a pas été prise par Mme Thatcher, mais bien plutôt par des membres des services secrets qui étaient bien placés pour savoir la vérité, et cela depuis fort longtemps. Mmh. Alors, si je vous comprends bien, vous n'avez aucun doute sur la réalité de ce projet de supercanon? Non. Et vous allez le voir, la suite de l'histoire va peu à peu me conforter dans cette idée. Mais auparavant, faisons un petit retour en arrière, si vous voulez bien. Dans cette affaire, il y a déjà eu un mort, le journaliste Bazoft, pendu donc le 15 mars 1990. Bazoft, coupable de s'être intéressé d'un peu trop près au supercanon irakien. Mais ce n'est pas fini. Mais c'est... que voulez-vous dire, là? Un autre journaliste britannique, un certain Jonathan Moll, enquête lui aussi sur cette affaire, et en particulier sur cette société basée à Bruxelles, la Space Research Corporation, une société qui est au cœur de notre histoire, mais n'allons pas trop vite. Encore? Encore, oui. Donc Moll, qui travaille pour une revue spécialisée dans les questions de défense, essaie de démêler les chevaux de sociétés internationales qui sont en cheville avec le ministère irakien de la sécurité. Parce qu'il est donc déjà sur la piste du supercanon, lui. Oui. Mmh. Et il soupçonne un industriel chinien, nommé Carlos Cardoen, d'être un maillon essentiel de l'affaire. Moll, au mois de mars 1990, se rend donc au Chili. Encore au mois de mars 90. Oui, hein. Tout se joue presque au cours de ce mois. Moll débarque donc à Santiago et il essaie d'approcher Cardoen. Mais il essuie un refus cuisant. L'industriel chilien ne veut pas parler. Mmh. Alors que fait ce journaliste, là? Eh bien, le journaliste s'apprête à repartir. Le matin de son départ, il téléphone à ses parents. Il doit en effet se marier au début avril et il met au point avec eux les derniers préparatifs de son mariage. Quelques heures après, on retrouve son corps dans sa chambre d'hôtel. Le journaliste s'est pendu. C'est la version officielle. C'est invraisemblable, non? Tout à fait, d'autant que l'autopsie révélera que Moll a ingéré des substances toxiques. Donc on l'a suicidé, c'est bien ça? Naturellement. Hein. Pourquoi ce jeune journaliste qui devait se marier quelques jours plus tard aurait-il soudain décidé de se suicider? Mais l'enquête va pourtant être étouffée. À l'évidence, il y a au Chili des gens qui ont le bras long et qui ont muselé la justice. Ceux que Moll était venu interroger. Par exemple, ouais. Des gens qui tenaient par-dessus tout à protéger le secret du supercanon de Saddam Hussein et qui n'avaient pas hésité à tuer. Cette arme diabolique était donc décidément bien dangereuse pour tous ceux qui s'y intéressaient d'un peu trop près. Parce qu'il y aura d'autres morts? Une en particulier, oui. Et toujours au cours de ce même mois de mars 1990. Cette fois-ci, de qui s'agit-il? Du cerveau qui a conçu le supercanon, de son inventeur, donc le patron de cette Space Research Corporation que j'ai déjà évoqué à deux reprises. Gérard Bull, c'est son nom, a été assassiné le 22 mars. Une semaine après la pendaison du journaliste Bazoft, donc. Et quelques jours avant le faux suicide de Jonathan Moll. Étrange, non? France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Gérald Bull, l'inventeur du supercanon de Saddam Hussein. Nous allons revenir longuement avec Monsieur X sur la personnalité de ce curieux homme assassiné à Bruxelles le 22 mars 1990. Auparavant, revenons sur la découverte des 8 tubes d'acier à bord du cargo Gur Mariner et de la controverse à laquelle elle a donné lieu. Je lis par exemple ceci dans Le Monde du 16 avril 1990. Après avoir affirmé, un peu hâtivement peut-être, que les 8 cylindres d'acier destinés à l'Irak et saisi en Grande-Bretagne étaient les pièces d'un canon géant destiné à semer la terreur en Israël ou en Iran, les experts en balistique anglais semblent faire machine arrière. De hauts responsables du gouvernement britannique, cités vendredi soir 13 avril par la chaîne de télévision ITN, affirment que l'opinion du gouvernement est que les Irakiens et les compagnies impliquées dans cette affaire ont peut-être été accusés à tort. Selon ITN, les responsables en question croient que les éléments saisis ne sont probablement qu'un tronçon d'oléoduc. De son côté, un porte-parole des douanes britanniques a réaffirmé que les 8 tubes d'acier découverts à bord du cargo pourraient servir de fût à un canon d'artillerie. C'est aussi l'avis des experts du ministère de la Défense, a-t-il insisté en précisant que l'enquête se poursuivait. Le constructeur des tubes, Sheffield Forgemaster, avait auparavant réfuté la théorie, tirée par les cheveux, du canon géant, réaffirmant qu'il constituait un petit tronçon d'un oléoduc destiné à l'industrie pétrochimique irakienne. L'acierie affirme qu'elle a tout fait dans les règles et que les caisses saisies par les douaniers étaient les dernières d'une série d'envois identiques en Irak, autorisées par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors qui est ce Gérald Bull? C'est à l'époque une personnalité très connue dans les milieux internationaux de l'armement. C'était donc pas un homme de l'ombre. Non. Même si la nature de ses activités a fait naturellement que l'homme s'est entouré de secrets. À l'origine, Boulle est officier dans l'armée canadienne. Mais dès la fin des années 60, il quitte l'uniforme et s'installe à son compte, si je puis dire. C'est-à-dire ? Boulle a une passion, la balistique et en particulier les canons à longue portée. Oui, il a lu Jules Verne, quoi. Peut-être. Enfin, je crois plutôt qu'il s'est surtout beaucoup intéressé aux travaux des ingénieurs allemands qui ont créé la Grosse-Bertha. Ce canon qui a bombardé Paris pendant la Première Guerre mondiale. Hein, oui, en tout cas, lorsqu'il donne sa démission de l'armée, Boulle crée sa société, la Space Research Corporation. Et très vite, il intéresse les Américains à ses propres recherches. Les Américains, les militaires américains. Le Pentagone, oui. C'est d'autant plus étonnant qu'on sait déjà, dans ces années-là, que l'avenir des armes à longue portée passe par les missiles. Mais Boulle doit être suffisamment convaincant puisqu'il parvient à persuader les Américains de lui commander un énorme canon d'une cinquantaine de mètres de long. Et il le construit, effectivement ? Il en construit plusieurs modèles, oui. Et ces super canons se révèlent capables d'envoyer un obus de 200 kilos à une distance incroyable, plusieurs centaines de kilomètres. En outre, ces prototypes peuvent être aussi utilisés pour envoyer des charges dans l'espace. À la place des fusées, donc. Exactement. Ouais. Et Boulle en fait expérimentalement la preuve lorsque l'un de ces canons envoie un projectile à plus de 140 kilomètres d'altitude. Un succès, hein, c'est ça. Le provisoire. Ouais. Car, comme je vous le disais, les Américains allaient choisir les missiles. Mais sa coopération avec le Pentagone a été très précieuse. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Grâce aux Américains, Boulle recrute de nouveaux clients. Et d'abord les Israéliens. C'est-à-dire qu'il leur vend son projet de canon à longue portée ? Non, il leur livre des canons à longue portée plus classiques et des obus qui le sont un peu moins. Ces munitions seront très utiles aux Israéliens lors de la guerre du Kippour. Parce qu'ils permettront à l'État hébreu de bombarder Damas. Mais ce qui est important, c'est donc que cet homme qui va travailler plus tard pour Saddam Hussein, hein, c'est ça, a d'abord coopéré avec Israël. Oui, mais au fil des années, les clients se font un peu plus rares. Alors, que fait Gérald Boulle ? Eh bien, il faut bien vivre, n'est-ce pas ? Alors, Boulle bricole un peu, et pour tout dire, il se livre à quelques activités peu honorables. C'est-à-dire ? Sans doute grâce à ses nouveaux amis israéliens, il s'est mis en contact avec l'Afrique du Sud. Et malgré l'embargo militaire qui frappe ce pays... L'embargo à cause de l'apartheid. Bien sûr. Donc malgré cet embargo, il vend à l'Afrique du Sud un brevet de fabrication d'un nouvel obusier. Malheureusement, la nouvelle transpire et Boulle est condamné à un an de prison par la justice des États-Unis. C'est alors que sa vie va basculer. Mais parce qu'il est grillé en Amérique. Oui, mais au début des années 80, il part s'installer à Bruxelles. C'est là, dans la capitale belge, qu'il va être contacté par celui qui deviendra son principal client, Saddam Hussein. Ouais. Le contact n'est quand même pas direct. Bien sûr que non, mais il a tout de même lieu à un haut niveau, puisque c'est le propre gendre de Saddam, Hussein Kamel, qui vient le voir. J'ajoute qu'un homme a sans doute servi d'intermédiaire. Cet industriel chilien dont je vous ai parlé, Cardoen. Un type qui était depuis longtemps un fournisseur d'armes pour les Irakiens. Le monde est tout petit. Hein. Qu'est-ce qui intéresse alors Saddam Hussein, le canon à longue portée ? Je ne pense pas qu'il ait entendu parler des travaux très particuliers de Boulle, mais le dictateur irakien n'ignore pas que le Canadien est un grand spécialiste en balistique. Or, Saddam, en guerre avec Téhéran, a un besoin urgent de canons. Et Boulle est susceptible de lui en fournir. Et des armes très performantes, en outre. Mais est-ce que le fait que Boulle ait aidé les Israéliens n'est pas un obstacle ? Pas vraiment. C'est vrai que l'Irak est violemment hostile à Israël, mais les canons fournis à Tzal ont servi à bombarder Damas. Et après, Israël, la Syrie est le plus grand ennemi de l'Irak. Et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. N'allons pas jusque-là. Mais non, ce n'était pas un obstacle du tout. Et puis dans le métier de marchand d'armes, on ferme facilement les yeux sur ces petits problèmes. Donc Boulle va devenir le fournisseur de canons de Saddam Hussein. Oui. Et un jour, en se rendant à Bagdad, il rencontre le dictateur en personne. Ça se passe quand, cette rencontre ? La date exacte, je ne la connais pas. Ouais. Mais ça a dû se passer dans la deuxième moitié des années 80. Ouais. La guerre avec l'Iran était donc terminée. Hein, oui, mais la tension était toujours aussi vive dans le Golfe. Enfin, ce qui compte, c'est qu'au cours de cette rencontre, Boulle en profite pour parler de sa passion. Ah, sa passion, c'est les canons à longue portée. Naturellement. Et devant Saddam Hussein éberlué, Gérard Boulle expose par le menu son projet. Un projet encore plus fou que celui qu'il a développé aux États-Unis. Le Canadien rêve de construire un super canon de plus de 100 mètres de long. Un engin qui sera capable d'envoyer des charges classiques ou contenant des armes chimiques ou nucléaires à plus de 1000 kilomètres. Et ça fait rêver Saddam. Bien sûr. Si le super canon possède de telles performances, ça signifie que les capitales israéliennes et iraniennes seront à portée. Vous comprenez ? Et Saddam, sans nul doute, se dit qu'avec la possession d'une telle arme, il deviendra le maître incontesté de la région. Ouais, donc Boulle flatte la mégalomanie de Saddam Hussein. Oui, ça ne doit pas être très difficile. Ouais. Attendez quand même. Un canon de plus de 100 mètres de long, là, c'est réaliste hein ? Boulle le prétend. Il a fait des calculs très précis, très savants. Son canon, qui pèsera plus de 4500 tonnes, sera enterré. il pourra tirer non plus des obus, mais des fusées à une vitesse initiale de 1900 mètres par seconde. Mmh. Oui. Et Saddam donne son feu vert au projet ? Presque immédiatement. Alors Bull va mettre en place un extraordinaire puzzle. Un puzzle, c'est-à-dire raconter. Pour construire les prototypes, il faut des milliers de tonnes et de tonnes d'acier usiné. Mmh. Et pas n'importe quel acier. En Irak, il n'y a pas d'installation industrielle susceptible de fournir cet acier. Il faut donc s'adresser à l'étranger. Mais bien évidemment, Bull ne peut pas s'adresser à une seule firme métallurgique. Mais pourquoi ? Pour des questions de discrétion ? Les fournitures militaires pour l'Irak, ne l'oubliez pas, sont sous embargo. Donc, Bull, intelligemment, va démultiplier les commandes. En Italie, en Suisse, en Allemagne et bien sûr en Angleterre. Partout, on feint de commander des matériels servant pour l'industrie pétrolière. Mais c'est uniquement pour sauvegarder les apparences. En réalité, tout le monde sait que ces aciers très spéciaux auront une destination militaire. Mmh. Les gouvernements ferment donc les yeux. Sous la pression des lobbies industriels, oui. Les gouvernements, et en particulier celui de Mme Thatcher, sont donc au courant et couvrent ces livraisons qui sont en parfaite contradiction avec l'embargo décidé par l'ONU. Mais malgré toutes ces précautions, il commence à y avoir des fuites à la fin des années 80. Et des journalistes un peu trop curieux, sans doute bien informés par des membres des services secrets, se mettent en devoir d'enquêter. Oui, Bazoft, Moyle... Oui, oui. Et vous savez ce qui arrive à Bazoft. Il est pris, condamné, pendu. Saddam Hussein commet là une énorme faute et va déclencher les représailles dont je vous ai parlé. Les représailles qui auraient été exercées, selon vous, par des agents du M6 britannique. Et non seulement il va être contraint de mettre provisoirement un terme à son projet, puisque les livraisons de tubes vont être bloquées un peu partout en Europe, mais il va perdre aussi le cerveau du projet. Oui, Gérald Bull, oui. Oui. Oui. Une semaine exactement après l'exécution du journaliste Bazoft, des tueurs attendent Bull à l'extérieur de son appartement. Quand il arrive, il tire. Deux balles mortelles. Et qui étaient les tueurs ? On a longtemps soupçonné le Mossad israélien, c'est assez plausible. Mais pour ma part, je suis persuadé qu'il s'agissait de ces mêmes francs-tireurs du MI6 qui avaient décidé de venger Bazoft et de ruiner une fois pour toutes le projet du supercanon de Saddam Hussein. Les gouvernements des pays où étaient fabriqués les éléments du supercanon savaient-ils ? Oui, dit Monsieur X. Et il a raison au moins pour les autorités de la Grande-Bretagne qui devront reconnaître que depuis 1988, elles savaient que les tubes fabriqués par les forges de Sheffield serviraient à assembler un canon. Mais ce supercanon a-t-il vraiment existé ? En 1994, Rolf Ekéus, le directeur de la Commission spéciale des Nations Unies chargée de surveiller le désarmement irakien, révèle que, oui, le projet n'avait rien de fumeux. Et à la suite de sa mission d'inspection, il donne les détails suivants rapportés par courrier international. Le supercanon irakien de 350 mm que Saddam Hussein avait essayé, selon certaines sources militaires occidentales, de faire fabriquer avant la guerre du Golfe, était dans sa conception prévu pour tirer des fusées guidées à un seul étage, en portant des charges de près de 100 kg à une portée de plus de 1200 km. On savait que ces supercanons devaient tirer des fusées, mais jusqu'à présent, les détails précis sur ces missiles et le stade exact d'avancement de leur développement étaient restés voilés de mystère. Préparé par la Space Research Corporation, SRC, installée à Bruxelles et dirigée par feu Gérald Bull, spécialiste canadien en balistique, des documents suggèrent que les plus grands progrès avaient été réalisés sur un projectile de 3,6 m de long, connu sous la désignation de missile sol-sol Babylon 11, qui aurait dû emporter une charge de 22 kg. L'ensemble du projet du supercanon portait le nom de code Project Babylon. Grâce à des charges de 325 kg, ces canons de 350 auraient propulsé les Babylon 2 à une vitesse de départ de 1294 mètres secondes. Quelques secondes plus tard, les moteurs des fusées, avec 225 kg de carburant solide, se seraient allumés, faisant passer la vitesse à près de 9 fois celle du son, soit 11 000 km/h, et propulsant les projectiles dans les couches supérieures de l'atmosphère. Enfin, on ne peut pas ne pas noter que ces événements évoqués par M. X se sont produits seulement quelques mois avant l'invasion du Koweït par l'Irak. À samedi prochain, et je vous rappelle notre numéro internet www.franceinter.com. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, et aussi réécouter cette émission.